Bonjour monsieur, je peux vous aider ? Oui, je voudrais échanger ce téléphone portable. Je l'ai acheté la semaine dernière, mais il ne marche pas. C'est possible ? Bien sûr monsieur. Vous avez le ticket de caisse ? Oui, tenez. Merci. Et il vous faut autre chose ? Je vais peut-être prendre des écouteurs aussi. Les blancs, ils coûtent combien ? 30 euros. C'est un peu cher. Je préfère attendre les soldes. Comme vous voudrez. Voilà le téléphone. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.